L'entretien publié par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée à propos de la conclusion de l'accord sur la protection des renseignements militaires par le Japon et la Corée du Sud, en dépit de la protestation du dedans et du dehors du pays, a été reproduit par l'agence de presse russe TASS, l'agence de presse Chinevel, les agences de presse japonaises Kyodo et Tsuji, le bulletin d'Internet sur les questions internationales du Parti communiste argentin de Todas Partes, et en page d'Internet du Comité national d'études des États du Congo démocratique et de la filiale polonaise de l'Association d'amitié avec la Corée.